Oui, nous sommes capables de dire que pourquoi il y a rien qui fait. Au contraire, il y a un dossier qui fait pour Block Boy ici, hein, sous Malval, de 23 pages, qui annonce des titres qui pas bon pour nous du tout, qui te permettent que tu es en compromis tout pour la médaille de la zone. Et il y a des lettres que des organisations qui pas existé à écrit sous deux zones, non? Sous deux marques. Ça veut dire, même si tu as une enquête avec qui moun, c'est même moun qui fait dossier pour dans sens mal là, pourquoi j'aime les changements qui fait non, c'est toujours même qui était là. Ça veut dire que je bat pas gagné qui fait, pourquoi gagné qui fait. À combien de gens évaluer moun qui a visité dans Bois Caïman? Bon, nous sommes capables d'évaluer à peu près de 5 à 6 000 personnes qui vivent pas bon ici. Alors qu'on parlait que bagay l'école ici. Bon, c'est pour me dire bien. Nous te gagnons l'école nous-mêmes, nous te fondé. Et qui te commencé à construire, qui dépensait plus de 6 000 dollars déjà. La médaille Tivini, il brille, il crase. Nous te arrivé gagnons l'école avec notre directeur, on va privé. La médaille Tivini, il brille. Tout le bagage s'est passé dans l'événement. Tout le bagage s'est passé dans l'événement. Et quand y a qui côté Timounia à l'école? Bon, la majorité de Timounia, là, ils sont dans Port-de-Paix, dans la zone Saint-Louis du Nord, dans Gonaïves, dans le Cap-Haïtien. Ils vivent, ils n'ont pas eu l'école jusqu'ici depuis 3 ans, parce que ce n'est pas possible de parents de gagner pour vous dans la zone Zao, mais c'est juste pour te sauvegarder la vie. Reste groupe qui gagne, qui n'est pas bon ici, là. C'est à partir de janvier là, gagné inspecteur départemental là qui obligé de passer par Borisite, qui ouais nécessité avec Timoun qui était pas rien, qui rebalancer yon ti l'école, mais yon ti l'école qui pas même yon hangar pour le chita, c'est un monde qui yon ti kay, c'est un bâti kay ça que tout Timoun ça au comblé. Oui, boy site là nous bassin bleu. Nous Bassin même Caïman. Bassin Caïman bien entendu, excusez-moi. L'un d'a venir là nous même journaliste. À savoir nous même journaliste radio Haïti t'a venir ici dans Bois Caïman. Bassin Caïman pardon. Nous passé Tibouko boy. Pour nous arriver là nous c'est de l'eau à traverser. Nous bien très bas dans pied nous, arriver là, traverser de l'eau traverser pour arriver ici. Comment nous même t'a vivre dans Bassin Caïman nous arriver déplacer pour nous occuper occupation nous. Bon, pour sortir bassin Caïman pour aller Tibouko Boy, nous pas gain l'autre côté pour nous faire, c'est craser roche là, goumak passe de l'eau, joule bonne chance, joule pas bonne chance, c'est rester gardé. Mais nous pas gain l'autre moyen pour nous arriver, c'est prendre pied nous, battre galette, craser roche, jambe passe de l'eau, et puis c'est comme ça seulement pour nous. Aller côté nous voulons faire activité. Nous. Alors, et c'est dans le même bassin de l'eau ça que nous avons passé pour devenir. Fait toute action que oui, c'est eux-mêmes. Mm-hmm. Avec des guides que vous gagnez, qui sont dans la commune, nous-mêmes, dans nos frappes, qui accompagnent. Mm-hmm. Alors, non, j'ai des situations que nous vivons ici. Nous avons connu, est-ce que le gouvernement, Cédras, Michel François Bien, a raison pour venir attaquer nos vice boy cette là parce que nous représentons un danger pour eux. Est-ce que vraiment nous sentons que nous représentons un danger pour le gouvernement ça? Bon, m'ta kap di à chaque fois on monde dit c'est Dras Michel François Biambi ou femme gain vertige parce que me senti non ça pas semble que nous haïtiens parce que haïtien que nous connaissons pas ta doué aussi criminel comme ça. Oui, mais si vous avez toute raison pour t'avoir attaqué nous, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas accepté du tout marcher avec deux mondes corrompus comme ça, deux mondes mauvaise foi comme ça, monde qui ont poche qui pas un pays. Vous avez raison, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le même sentiment avec vous. Nous n'avons pas le même objectif avec vous. Nous même sentiment pas nous. C'est une nation sorti dans mendiant tout le temps à plonger même à l'autre monde, à l'autre nation. nous-mêmes, objectif par nous, c'est pour nous arriver gagner un gouvernement qui a besoin de pays, qui a besoin de peuple, pour travailler ensemble avec le peuple, pour que le peuple mette mêle, pour nous sortir du pays dans l'état qu'il y a. Parce que ce n'est pas le pays d'Haïti qui est mauvais pays, mais c'est les gens de monde qui ont mené le pays, qui arrivent le pays dans l'état qu'il y a. Pour voir les cadavres, nous comptons ici, là, nous-mêmes, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Oui. En pile espoir, comment ça expliquer? Nous fait 3 ans et quelques mois, nous pas de cajon parler de yon président, de yon sénateur, de yon député. Nous pas de cap parler de Tibouk de la ville au boy, de au cap. Nous qui change aujourd'hui, nous parler de lui. Non seulement nous parler de lui, nous voyons avec yeux nous. Espoir que nous gagnons. C'est que avec le gouvernement qui vient, ce n'est pas lui-même qui est capable de faire toute bagaille pour nous. Mais nous-mêmes, ensemble avec lui, si l'autre n'est pas coincé, si il n'est pas coincé, il y a des bagailles nous avons demandé pour le nous couper, mais pour nous aider le faire. L'un dit pour nous aider le faire, ça veut dire si le gouvernement, ouais, c'est pour nous aider, il nous faire, il doit dire, mon oh boy, ou bien, moun basse kaiman boucan Michel, comme nan même, m vle fè pombaye. M'gen valet ciment pour ça, m'gen valet fè pour ça. M'gen men d'œuvre boss pour ça, même bagen roche. Nous prêt pour nous faire concours, pour nous faire colonne, pour nous charrier roche, pour nous réaliser, pour avoir gouvernement. Ça veut dire, nous pas seulement tant de gouvernement pour le faire pour nous, mais nous vle mettre mais ensemble avec lui. Et c'est pour ça nous gen. Nous connaissons, si on pas trop coincé avec des vagabonds, des hommes qu'il connaît, qui proposent nationalistes, mais qui pour autant, qui ont un objectif bien déterminé, c'est empêcher le gouvernement satisfaire la masse, eh bien, nous tapons vraiment, ça n'est le espoir tout le monde. Est-ce que nous avons espoir de justice pour quand il était cadavre, quand il était crime, que de monde que nous reconnaissons tes faits, est-ce que nous avons espoir? Un jour qu'une carrière de justice. Bon, nous sommes capables de dire, nous pensons que nous sommes capables de gagner justice. Si c'était le gouvernement lui-même, ou bien président du moins, qui était formé, sacré au cabinet, avec des hommes sérieux, des hommes qui ont volonté, oui. Mais comme son bagage, Gog Magog, comme c'est ramasser Mimi, mettre le gado chez chat, ça veut dire que je suis capable de dire, c'est. Bon, si je ne dis pas bien, dans le sens proverbe créole haïtien, il y a deux personnes qui sont sur le poste, c'est seulement, ils prennent un gomme, ils mettent sur un tchoui mouton, et puis yo posé sur un poa en lion. L'on garde en le poa, ouais ça, pour ça son po mouton. Mais sous ta fonti enlevé, l'on garde ouais c'est lion. Ça veut dire, pas de monde sérieux en dans gouvernement vrai, qui voulait pour gouvernement faire bagay sérieux. Mais si c'était gouvernement même qui te formait en cabinet avec des monde sérieux, oui. Gouvernement qu'on tendait réel nous. Elle toujours tendait réel nous. Nous qu'elle t'apprend nous, mon satisfaction quand même. Et massacre fait un peu partout dans le pays. Massacre fait dans Rabouto, massacre fait ici dans le bassin Caïman. Dans Danti. Mon pile monde mourit dans le pays pendant 3 ans coup d'état. Gouvernement, je dis, a parlé de ça, les commissions de vérité. Est-ce que nous même ici, dans Tibouko Boy, bassin Caïman, nous déjà recevoir visite commission vérité ça. Non, nous pouvons recevoir. Déjà, nous sommes capables de dire que nous avons des macoutes qui sauvaient avant le tout gouvernement qui a installé dans Port-au-Prince. Et messieurs, ça a un petit qui fait des gros classes, qui ont des relations. Nous sentons que semblait ce messieurs ça au même qui travaille de concert avec des macoutes modérés. Ça veut dire macoutes qui pas paraît tête à autre au clair. Sans monsieur même qui a fait des démarches auprès du gouvernement comme bon papa, comme mon patriote, comme mon sensible pour commune. Semble que de bagaille c'est au même qui a fait sous donne sans nous pas même connaître. C'est pour raison ça. Si nous avons une chance pour nous lancer un appel à gouvernement, pour nous dire, essayez qu'on ait un sérieux qui a travaillé comme nous, s'il y a pour voir une délégation, pour qu'on ait qui nous a contacté pour la vérité. Qui n'a pas la vérité, même genre là, mais a fini tuer les gens, a fini le dire comme ça, c'est guérilla. Mais les gens qui ont dit des choses, et qui ont livré devant la masse, pour dire des choses en plein. Pendant que nous avons fait parcours aujourd'hui, même nous avons venu ici, là, dans le bassin Caïman, nous rencontrons plusieurs soldats américains, plusieurs machines, près de paquets de soldats. 19 machines. Qui débarquent ici. Là. Et qui ça devine faire même? Bon, nous sommes capables de dire que aujourd'hui, dans le bassin Caïman, dans deux dates de ça, nous avons un effectif de 300 soldats qui sont armés juste dans le dents, qui viennent spécialement dans le bassin Caïman, et puis après ça, ils ont déplacé. Jeudi 2 mars là. Jeudi 2 mars là. Nous pas trop étonnés parce que nous connaissons les soldats en Haïti. Deuxièmement, nous connaissons pas en la guerre avec les soldats. Si c'était l'armée d'Haïti, pas nous, on était là. Tout le monde a été écrasé Irak. Tout le monde a été écrasé brisé. Et nous connaissons les tigres qui ont été brûlés. Les animaux ont été volés. Les jardins ont été coupés. Mais nous connaissons les soldats américains. Qui vini dans la zone, c'est normal. Yo tande ça qui passe dans la commune. Nous connaissons que yo vin basse, comme yo vin, ouais. Si c'est vérité, est-ce que yo même qui soldat la caillou, yo connaissons que le bagay yo pas fait. Yo connaissons que soldat pas kap fait peuple li passe n'importe qui matu. Yo vin, ouais, si c'est vérité. Et nous kwe avec yo. Est-ce que yo parle avec nous? Qui sort de questions posez nous? Bon, mon cher, c'est une très belle question que vous posez. Pouvez que nous-mêmes, il y a des langues que nous ne parlons pas, nous essayons de poser des questions pour demander est-ce qu'il y a des soldats qui parlent français. Et il y a un interprète, nous sommes capables de dire, semble lui-même, s'il n'est pas petit, il y a un ancien soldat de l'armée d'Haïti, ils sont attachés. Parce que posthumus, il n'est pas en mesure pour parler avec le monde. Et l'homme demande, est-ce qu'on a dit que l'objectif, mission aujourd'hui, et puis est-ce que les soldats parlent français? Tout ce que celle ça le dit pour moi, mon cher n'est pas disponible pour parler avec monde. Et pour c'est tout. C'est comme si Mdaka dit que, interprète ça, il semble que c'est un homme qui vient dans le massacre, qui vient faire babo ici, et puis c'est lui qui a piloté aujourd'hui. On n'est pas de uniforme militaire. Non, pas de uniforme militaire. Un haïtien qui a vivé en Haïti, mais qui interprète, qui marche avec eux. Mais dis tout n'est rentré en pile côté dans le coin, tout barrage, même rive bien, bagage. Comment interpréter ça? Bon, on connaît la caille haïtien. Depuis que nous rentré la caille dans la salle, là, il y a deux chambres. C'est nous le niveau la caille, si nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de mais la caille, nous n'avons pas de structure pour ça. Pour ta dire, bon, si nous avons et contrôle sur ce de bagaille. Il y a deux côtés où tu as besoin. Nous t'as dit oui, c'est normal, faut que nous t'as dit qu'il y a un petit chouchou dans nous. Ou quand la caille, nous c'est comme ça. Yo visite côté où vous voulez. Bon, massacre est fait dans le bassin Caïman, bloc Tibouko Boy. En pile, monde parlait de ça, la presse parlait de ça. Et je vous dis, il y a un pile détail qui baille. Qui vision pour la région ça pour toi vivre là, qui a un pile problème, comme nous constatons? Bon, semble que c'est la dernière question que vous posez. Non seulement vision, pas vision, tout le monde qui vit dans la région. Je attends la question ça. Et l'homme parle, me parle au nom de la population. Vision par nous, c'est pour le gouvernement, qui va, ouais, qui est capable de faire pour Zonza, en parlant de pont baillé et route qui menait Cap Boy jusqu'à Bassin Caïman. Deuxièmement, c'est un appel nous a lancé à tout le monde qui a vivre à travers le pays d'Haïti, mais qui moun Comino Boy, qui moun Bassin Caïman, pour ouais comment cap aider nous dans mettre l'école, contribuer avec nous, pour aider nous gagner petit boutique côté nous gagner petit bagage pour nous acheter, et puis ouais comment nous capable joindre moyen l'une maladie pour joindre nos premiers soins. Pas moyen, ça ne relie, ils ont dispensé. Vous comprenez? objectif au vaste, mais nous capables de tout. Que des monde tout qui pas besoin de monde comme il n'a, mais si on remet ouais changement ensemble avec nous, que on ca aider nous, contribuer avec nous pour nous comment qu'on sorti dans cette situation. Ce bagage nous capables de dire d'apprendre à tout haïtien conséquent élection qui peut être faite là de toute couche pour être très réactif. Parce que Marcout a préparé encore pour retourner sur scène non? Pour venir ferrailler sur nous ici encore. Joseph Maslin, pardon, Radio Haïti remercie en pile. Bon, je suis capable de dire mille fois, je remercie Radio Haïti Inter, par moyen de journalistes qui viennent par Borisia. Et on est beaucoup connu de visage, Jean-Dominique. C'est un haïtien, je dis Aïbobo pour lui, je dis chapeau bas devant Jean-Dominique, pour fougli, pour bravouli, s'il peut mettre le météo activité en d'un pays, pour le ramasser, ça qui passe à travers paysan, son homme qui méritait un compliment sans pareil. Merci beaucoup. Bon, même si on fille, l'événement où tu as passé ici dans le bassin, Caïman, explique-nous comment tu es dégagé pour sauver tes tours, pour ici. Bon. Pendant 7 ans, je suis débarqué ici. Là, c'est seulement les garçons qui te gagné, qui te doit rester dans la zone. Nous-mêmes, filles avec Timoun, étaient dans la rage, en bas tout roche. Nous t'avons serré. Même les gens qui étaient même qui te même mou parce qu'en côté aller en bas tout roche, roche roule sur yo. Alors nous-mêmes, pendant que nous tirer, saisissement, bagaille, tout ensemble, nous avons gagné pile problème. Mais nous avons débarqué dans la zone. Non? Nous même beaucoup de pas nous. Comment te senti nous? Comment nous te senti nous? Nous senti nous te gen problème et nous te même c'est pas bon Dieu nous pas gen droit revivre encore parce que nous te saisi en pile non seulement ça tout côté nous en bas tout roche nous pas connait qui côté l'autre mounier c'est seulement c'est cette tête nous ouais nous pas connait est-ce que l'autre était là est-ce que l'autre pas là. Moi ça me dame connait et pendant tout événement ça qui je nous fait pour nous manger. Nous prenons état aux zoos qu'on a rage, nous semble du fait, nous prenons état au cœur, même si on gratte et nous mangeons, à force à bon Dieu, nous jouons la victoire, nous du merci pour ça. Qui sont sous manger, ça me démange? Tao Zoko, Tao Père. Yon vieux Tao rouge, je ne sais pas même manger, c'est lié à ici manger. Paysan manger, nous passons en pile misère. Bon, pratiquement, on sort tout le monde, et parents, maman, et eux-mêmes, qui ont été dans l'événement ça? Ils ont été dans la rage en bateau, nous avons serré côté fourmi, nous avons demandé nous flamands, nous avons donné à nous plein de boutons, à force de courir, c'est nous qui avons souqué la rose dans la rage. Bon, et je dis, bah, la fini, quand nous retournons dans la zone, quand nous avons boulé, qui nous fait pour nous dormir, expliquez-moi qui j'ai fait ça. Fait. Nous faisons toujours pas, nous dormons tant qu'on a monde qui vend, nous faisons toujours pas, nous j'ai tiré ça, nous mettons rad sous lui et puis nous dormons. Avant ça, que tu as vécu dans cette zone là? Ici, on a vécu. Donc, quand tu boules là? Oui. Bon, pourquoi elle y a même comment où est avec l'école puisque l'école est boulée dans cette zone? Comment on dégage nous dans l'école? Dégagez nous à ce bien te mettre pas au bar à finir mais là sont ils l'école mais lui au bar en local car mon nous bar à junior local pour nous faire l'école nous disons merci bon Dieu pour ça. Okay. Et c'est là mon pratiquement aussi frère Maclamou aussi un leader mouvement coopératif dans zone là et monsieur militaire lorsque vous venez dans zone là. Ou c'est un monde qui a besoin de capturer et ou te vivre l'événement yo comment ou te senti dans moment monsieur militaire ou te débarqué bon c'est là dans date 25 26 avril bon pas, précisément façon nous te senti façon nous te sentim c'est que nous te voir que nous te à vivre dans l'autre pays comment nous te voir comment nous ca expliquer ça c'est que nous ouais c'est propre haïtien pareil moi ouais qui vient brûler caille brûler couper jardin couper café foncer des bagailles foncer des actes palonnettes et que bagaille nous pas espérer nous pas croire que c'était haïtien même qui t'a posé action ça yo. Est-ce que tu devais mettre mes sous ou même comment bon. Si pas mettre mes comment tu devais échapper quoi. Bon, il pas te mettre mes sous moi par rapport on te prend bonne pour moi. On te prend bonne pour moi et que là n'est yo venu n'a brité nous en l'air dans mon net. Parce que nous pas vrai qui était groupe ça ça mettre mes sous nous. Vous allez goûter une passer nous c'est trop fouillé. Pourquoi ça tout ça été fouillé? Il dit tout ça fouillé pendant l'événement. Coup de ça m'a tiré tout ça fouillé. C'était quelqu'un qui était caché dans trou comment? Bon, spécialement tout ça fouillé, nous t'es fouillé tout ça, c'est juste pour te barrer route pour monsieur pas te rentrer. Là nous c'est avec gros ça m'a fait venir nous obligé. Et courir qui était bloqué là. Mais d'après vous même Étienne, c'est pour qui raison nous-mêmes notre localité paisible comme ça, très retiré, d'agadir presque même détaché de paysan et militaire absorti tout partout vinn craser dans bois ici. D'après vous, qui raison qui explique ça? Bon raison qui explique ça c'est que yo était toujours à persécuter nous comme monde qui parle marché dans ligne pa yo. C'est que après élection 90 là et que nous-mêmes nous avons voté pour Jean-Bertrand Aristide et que Jean-Bertrand Aristide vient voir monsieur dans campé loin et que même nous toujours été campé et tenir face devant eux nous pas changer position nous pas à en bas bazin nous pas en bas aucun autre magouille qui passé yo et que nous ta aimé nous changer position le ça nous pas de nous. Est-ce que nous-mêmes paysans boricites nous avons quelques problèmes avec quelques gros potentats dans la ville au Boy qui a environ en 14 km de distance boricien? Bon, le problème nous avons avec eux, c'est que ça a voulu faire, nous-mêmes nous pas d'accord avec lui. C'est que qui nous a voulu, c'est Bazin, qui nous a voulu, c'est Joseph Neret, bon, l'autre n'est pas passé, et que nous-mêmes, nous n'avons pas campé collé avec Nexario, et que nous avons bataillé pour une élection faite libre et libère, nous bataillons pour que nous mettons le monde, nous faisons confiance, nous avons un mandat pour 5 ans, et que Nexario va y campé loin, nous-mêmes, nous étions campé loin. Pendant l'événement, l'armée d'Haïti fait paraître des communiqués pour dire que les gens ont perdu des soldats. Les soldats qui ont débarqué dans la zone ont perdu des soldats. Est-ce que effectivement c'est une vérité que tu as des soldats qui mourent pendant coup de zame de tirer ici dans le bassin Caïman? Bon, si y a des gens qui mourent, c'est eux-mêmes qui tuent les gens. Avec qui les gens sont attaqués à mourir? Nous n'avons pas de moyens. Nous-mêmes, nous avons échappé. Nous, c'est que les nous. Là, ils partent avec gros âmes, une fois, nous sommes obligés de faire aussi des gros du fait. On boit que les bambous qui gagnent la dernière, nous mettons un pile bambou à brûler, faire gros du fait, puis à faire gros son tout. Avec gros son, ça, nous retirons le corps, mais nous ne pouvons pas aller même pour nous tuer les gens avec qui. Alors, maintenant, nous tenons un mouvement. Côté, nous tapons rassembler café, rassembler cacao, pour nous-mêmes, Alvanio personnellement, sans pas besoin de passer par spéculateur, surtout la famille Bennett, que Marcel a parlé de nous hier soir. Est-ce que ça, mouvement, ça, est-ce qu'il campé ou bien est-ce qu'il a continué? Qui genre le mouvement y est aujourd'hui? Bon, c'est une question qui est très intéressante. Qu'on pose là, et Mkakadou, ça a entré en ligne de compte pour arriver à brûler Canyo. Ça a entré en ligne de compte, c'est le mouvement ça même qui permet de faire plus de persécution, parce que ça, tu es retiré plus de manger dans le mouvement ça a été rassemblé plus que 700 personnes qui ont fait un petit café, un petit cacao en bas, et que le moment qui est dur arrivé, un petit ristoun pour défendre, et que ça, et ristoun ça, c'est un groupe total qu'on allait. Quand il y a la prouve que c'est nous-mêmes qui a aidé paysans ou éclair cette situation qui mettait mouvement campé quand il y a là les yo pas vle ou pas de parler nous-mêmes et qui est qui a fait ou comprendre ça plus bien qui est-ce qui a bail machine pour venir brûler caillou c'est Pichon Bennett. Qui est-ce qui a entendu pour vous voyez et gros nègre qui prend nègre au cap? C'est Pichon Bennett. Pour qui ça? Nous pas pour madame nègre, nous pas tous les petits. Il y a pas de raison pour faire ça si c'est pas ta va raison ça. Alors, yon nan bay ke nou ta rive konnen, lè monsieur vini, est-ce yo seulement boule kay, est-ce yo seulement tire tue moun, est-ce gen lòt zak ankò ki yo pose? Bon, lè monsieur vini, yo kòm ou di deja, yo boule kay, yo tue moun. Yo vole bèf, yo vole kabout, yo koupe banan, yo viole fi. Yo fè tout vie zak, kom si, tout vie zak baba. Ou konnen comme si zenglen do ta ka fè tan kou konn fè nan n'importe quoi si ça ou même yo fè pas bon ici hein bagay ça va passer pendant une semaine pendant plusieurs jours dans zone là parce que je te dis dans la presse que zone ça c'est chaque jour pendant période là coup de zam a tombé dans zone ça depuis le ça tout c'est moun qui a perdu la vie ou c'est moun qui l'a caché c'est kay ka boulé et osou ka banon dis nous combien jours ça a duré nous même pendant que dans maron partout pendant période comment défendre tête nous dans coin côté de OK. C'est bon Dieu a réussi de partir en octobre. Les gens ont commencé à persécuter nous à partir de décembre, 4 décembre. 4 décembre 91. Les gens ont commencé à persécuter nous. Ils sont venus là au bout des cailles vice-délégués, au bout des cailles pas maintenant. Et que depuis là ça tout, les gens ont persécuté nous matin, midi, soir, jour crivé. Aujourd'hui, a réussi en train d'un pays et que là les gens posent plus gros action. C'est à partir du mois d'avril. À partir du mois d'avril, les gens parlent avec eux, communiquent, font connaître que, mais qui s'est passé dans le bloc là, mais qui s'est passé dans le bloc là, ils ont débarqué des centaines de milliers de machines avec un conseil de l'armée pour venir craser la zone ça, net, brûlé. Mm-hmm. Alors, je me connais qui, genre, nous défendons nous sur la question de la mangeaille. Sous question logement, parce que tout le cas est fini boulé, jardin est ravagé. Comment les paysans organisés aujourd'hui pour vivre? Bon, c'est une belle question encore posée. Mais si vous-même, étant que yon moun qui a travaillé pour les médias, si vous avez gardé physique, moun qui est dans le bloc là, il faut avoir que pour qu'on ait un lien de changement, comme changement qui fait, moun yon toujours abdormi dans la rage, moun yon toujours malmené. Malgré le président Aristide dans le pays, c'est que le problème familial a toujours été demeuré. Même Jean, ça a été auparavant pendant Aristide Paté là. Pour bagaille nous gagner, comme il y a un petit avantage, c'est que nous sommes capables de circuler, aller à Tibouk, aller à la ville au Boy, aller au Cap, aller à Port-au-Prince. Pour un bas, mais. Absolument pas rien qui fait comme bagay qui y a un changement pour paysans. C'est que nous toujours en bâtonnel, si nous toujours pas qu'à aller à l'école, nous toujours rester dans la même situation que ouais, physique, moun qui dans le bloc là, semble moun qui toujours dans ma roue. Alors, dernière question que nous avons posée, c'est qui ça nous espérer après tout ça nous subit, après tout événement ça qui passe dans la zone là? Président Aristide doit retourner, question justice à Kayonne dans bouche tout le monde. Qui ça nous-mêmes, paysans, dans le bassin Kayman, nous espérons de gouvernement? Bon, ça nous espérons, nous connaissons que le président a fait tout ça. Il connaît pour mettre le code dans la commune qui te fait tout ça. Tant que les Jean-Marie, tant que les Pichon Bennett, tout le monde qui te comploté. Pour accès à qui n'est pas qui peut y aller encore, c'est la capitale à aller. Fouquet Paul, Jacques Paul, tout dans Yonette, c'est la capitale à aller. Il y a cherché sécurité pendant ce temps. Nous nous avons toujours été dans la même situation. Hein. Alors ça, nous espérons, jouer la vie meilleure pour que Kayot a reconstruit, si nous sommes capables d'aller à l'école et que l'autre petit balai est capable de faire pour aider nous à piquer des situations. Ok, merci. Ok, merci. Ou même aussi en femme, est-ce que vous avez expliqué nous qui j'ai été allé au centre de monde qui t'a vivant? Oui, moi même c'est un monde qui passait en misère. Mais moi, j'ai été mago, après ça, j'ai brûlé tout le bagage, j'ai brûlé le caille, j'ai été ici, j'ai brûlé tout le bagage. Quand j'allais venir au bailleur trop chaud, si tout me dit petit nourrice, il dégaine 7 mois nourrice, je viens lever m'aller au cap, m'aller là quand on s'aime. L'aime arriver au cap qu'on a là au fait arrêter. L'aime si tu as la caille là comme ça dans son chambre qu'on a là disparaître, qu'on a là yo arrêter. Je prends en prison, je prends 24 jours de prison. Après ça, je maltraite, je crache toute centime. Après ça, par exemple, je fais un pile comme bon jusqu'à ce qu'on ait quand même fini de payer comme je dois. Comme si vous dites que vous êtes un événement, vous êtes un événement. Je ne suis pas averti. Je suis laissé une bonne machine avec un couvrement dans la machine pour me passer. Rive m rive au cap pour ca passer dans zone ici à mal au cap rive m rive au cap encore au fait arrêter mais qu'est-ce qui t'a fait arrêter au cap bon mon qui t'a fait arrêter c'est mon joli bois avec Fouquet Paul que de mon ça c'est des monde qui t'a contribué dans ça qui passé ici là et c'est mon qui toujours fait bail comme si paye quoi pour faire chef venir ici à c'est au même le niveau qu'a arrêté Janine moi les Janine de ici est-ce que par de cas qui comment on connaît la ma vie sous comme c'est là ma vie comme ça sous seul espoir bon Dieu m'a pas ça m'a gagné m'a fait bon depuis me fin pas quoi même l'hôpital m'a jamais gagné mais c'était commerce tu as fait avant coup de jambe tiré l'aime te mago premièrement m'a dit commerce m'a fait un bon petit commerce m'a fait un bon petit commerce qu'on a là tout bail ça a été perdu pendant m'a mago pour ça l'aime venir ici m'a pas